schaut euch an, was Jesus Christus über die Versammlung der Gläubigen sagt. On va lire Psaume 133 pour lire ce que Jésus-Christ dit sur l'ensemble. Psalm 113. Praise the Lord. Hallelujah. You know, the 113. The hours we have today so short that he was giving me a message of gathering together. This segment, just this topic to gather together in his name. Er hat mir das Thema gegeben, über die Versammlung, in seinem Namen sich zu versammeln. Dieu m'a donné le message concernant l'ensemble en Christ. But because of the time, you know, we still have a lot to do with the previous message. And then I said, I will just point to one or two places then, so that we have it as a topic, a gathering. You know what you always say together, that we are one in Christ. Was wir immer zusammen sagen, wir sind eins in Christus. On dit toujours que nous sommes un en Christ. It's talking about the gathering of God's children. Da geht's um die Versammlung der Kinder Gottes. Et ça parle d'ensemble des enfants de Dieu. Psalm 133 from 1 to the end. Only 3 verses. Amen. It said, behold. Psalm 133. Achso, 133. Psalm 133. Are we there, please? Amen. It says, behold how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ein Wallfahrtslied von David. Siehe, wie fein und wie lieblich es ist, wenn Brüder in Eintracht beisammen sind. Amen. He said, it is like the precious ointment upon the head that ran down upon the beard. Even Aaron's beard that went down to the skirts of his garment as the dew of Hermon, and as the dew that descended upon the mountains of Zion. For there the Lord commanded the blessing, even life forevermore. Praise the Lord. Hallelujah. Can you see what he is saying concerning the unity, the gathering together? Seht ihr, was er sagt? The coming together über das Zusammenkommen von seinen Leuten. Verset 1. Quel bonheur, quelle douceur, quel de fait d'être ensemble. Ici, Dieu parle de l'importance que les enfants de Dieu ont une assemblée ensemble. Praise the Lord. Hallelujah. It's very, very important for him. Es ist sehr wichtig für ihn. Pour Dieu, c'est très important. It's very, very important for us. Es ist sehr wichtig für uns. Est aussi important pour nous. And it's very, very important against Satan. Und sehr, sehr wichtig gegenüber dem Teufel. Et puis c'est aussi contre le diable. Amen. Amen. No wonder he said we should not forsake the assembly of believers. Er wundert, er sagt, wir sollen die Treffen der Gläubigen nicht versäumen. Et c'est ça aussi, Dieu nous dit de ne pas rater l'ensemble des enfants de Dieu. Amen. Amen. You know, there's a special blessing when, you know, anytime you meet a believer in Christ Jesus that is truly a child of God, he's telling you what it is like. Es gibt Look einen at it. Besonderen Segen, wenn wir immer wieder uns mit Kindern Gottes treffen. Once you meet one another, wenn wir einander treffen. Quand tu te racontes avec des enfants de Dieu, toujours une bénédiction qui te suit. C'est ça, c'est très important pour nous d'être ensemble. That's why learn to live together. C'est lire zusammen zu leben. C'est ça, on doit apprendre de vivre ensemble. Learn to come together. Lire zusammen zu kommen. On doit apprendre de nous rassembler ensemble. Amen. Amen. Remember, Jesus said, "We are two or three are gathered in His name, dort, and not in another name." In seinem Namen versammelt sind. Et c'est ça pourquoi Dieu aussi dit où il y a deux ou bien trois personnes assemblées au nom de Dieu, il est là aussi lui-même. You can only gather in two names. Du kannst nur in zwei Namen versammelt sein. Tu peux être seulement assemblé dans deux noms. Amen. It's either in Christ's name or it's in Satan's name. Entweder im Namen des von Christus oder im Namen des Teufels. Et soit c'est au nom de Dieu bien au nom de du diable. If you gather in the name of this is my natural family, it's not of Christ. It's Satan's name. Wenn du dich im Namen von das ist meine natürliche Somebody is there, that is Satan. Ist das der Teufel? Si par exemple tu t'es réuni au nom du de la famille là, le diable est présent. Anything outside Christ, are you getting it? You know the gathering. Let me just leave it now. Amen. Amen. The gathering together is so important. If you look at Acts of Apostles, in Apostelgeschichte beispielsweise, they gather together. Sind sie haben sich auch versammelt? Ils se sont réunis aussi ensemble. Amen. Amen. Acts 4, Acts 5. Amen. Apostelgeschichte 4 and 5. They were together. Sie waren zusammen. Ils étaient toujours ensemble. Because you know those evil, they also gather together. Denn die those Bösen evil people versammeln sich auch. They refuse to change, refuse to repent. They gather. Die sich weigern, Buße zu tun. Parce que les païens aussi, ils ont leur propre assemblée. Those that fight the truth, they gather together. Always. Et aussi eux qui sont contre la vérité, ils se réunissent aussi ensemble. They might even be here, even in this church. In dieser Gemeinde können solche Leute sein. Peut-être ils sont aussi ici à l'église. Once they leave here, they gather together. Wenn sie hier weg sind, versammeln sie sich. They are playing with fire. Aber sie spielen mit dem Feuer. Et puis quand ils quittent les églises, l'église, il se réunit avec les païens et puis c'est trop dangereux pour les enfants de Dieu. If you see Ananias and Sapphira, you know they gather together. Wenn du dir Ananias und Sapphira anschaust, die haben sich auch versammelt, aber am Bösen, nicht in Christus. Comme aussi Ananias et Sapphira, ils se sont réunis aussi, mais dans le mal. Praise the Lord. Hallelujah. Praise Jesus. Hallelujah. Amen. Amen. Let us gather together in Christ Jesus. Wir sollten uns versammeln in Christus Jesus. Und was sind wir nun im Namen Jesus Christ? Let us learn to always gather together. Wir sollten lernen in Christ Jesus. Immer uns in Christus Jesus zu versammeln. Et puis on doit apprendre de se réunir au nom de Jésus Christ. Amen. Amen. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. That's a place he said they gather together, but not by me. The book of Isaiah. Let us go there. Jesaja. Da gibt es eine Stelle, wo steht, dass sie sich versammeln, aber nicht durch mich. Isaiah 54, là Dieu parle aussi qu'il y avait une assemblée contre Dieu. 54. Are we there, please? Don't be afraid of their gathering. Fürchte dich nicht vor ihrer Versammlung. Don't be afraid of their spies. Über ihre fürchte nicht über ihre Spione. Et puis n'aie pas peur de leur ensemble ou bien n'aie pas peur aussi de leur espion. Isaiah 54:15. He said, "Behold, they shall surely gather together, but not by me. Whosoever shall gather together against thee shall fall for your sake." Praise the Lord. Verset 15. Si on veut t'attaquer, cela ne viendra pas de moi. D'ailleurs, quiconque t'attaquera succombera devant toi. Amen. Your gathering together might be truthful. They are gathering together. Peut-être les gens se sont réunis à travers le téléphone. True, you know what, how you write to one another. Amen. À travers des messages qu'ils écrivent. Or face to face. Oder durch von Angesicht zu Angesicht. Ou bien face à face. But if it is not to promote Christ. Aber wenn es nicht da ist, um Christus zu fördern. Et puis si c'est pas là pour glorifier. And to fight God's children. They are fighting Christ himself. Kinder Gottes zu bekämpfen, dann bekämpft man damit Christus selbst. Et puis si ils utilisent leur réunion pour combattre les enfants de Dieu, ils combattent directement Jésus-Christ lui-même. Don't be worried about your gathering together. Sorge dich nicht darüber, dass sie sich versammeln. N'aie pas peur qu'ils se réunissent. Praise the Lord. Hallelujah. Don't be worried. Don't let it bother you. Lass nicht zu, dass dir das Gedanken macht. Ne laisse pas que ce soit un souci dans ta vie. Be praying for them. Bete für diese Menschen. Tu dois prier pour eux. Let us keep on praying for them. Lass uns weiter für sie beten. Und doit continuer à prier pour eux. Amen. Amen. You can pretend to come here. You can't. No, no, no. It's your business. Kannst du tun, dass du hier hinkommst. You are digging your grave. Es ist deine Sache. Du gräbst dein eigenes Grab damit. Et puis si même si une personne prétend d'être ici à l'église, c'est très dangereux parce qu'ils creusent leur propre tombe. Ananias and Sapphira did not know that they were digging their grave. Ananias und Sapphira wussten nicht, dass sie ihr eigenes Grab graben. Même Ananias et Sapphira ne savaient pas qu'ils faisaient aussi la même chose. Amen. Amen. You know, they might have been warned, but they refused. Or no one to warn them. But you are somebody's warning you. Christ is warning you. Vielleicht wurden sie gewarnt, aber haben die auf die Warnung nicht gehört, oder? Back up. Sie wurden nicht gewarnt, aber du. I reject it. I hate it. Wirst gewarnt und deswegen müssen wir eine Entscheidung treffen und das verweigern, oder? Ja. Et peut-être les gens-là ont été mis en garde contre leur reniant, mais ils ne veulent pas écouter. Praise the Lord. Hallelujah. Today we will continue with our message, which is Christ, the ministry, and the Holy Spirit. Heute geht es weiter mit unserer Botschaft, Christus, die Gemeinde und der Heilige Geist. Aujourd'hui, on va continuer avec le message sur l'Église, toi et le Saint-Esprit. Praise the Lord. Hallelujah. The ministry is you and me. Die Gemeinde sind du und ich. L'église, c'est toi et moi. Amen. Amen. There's nothing like you and me without Christ. Ohne Christus gibt es kein du und ich. Sans Jésus-Christ lui-même, il n'y a pas toi et moi. And without the Holy Spirit. Und ohne den Heiligen Geist. Et sans le Saint-Esprit aussi. What brought us together? Was uns zusammenbringt? What always brings us together? Was uns immer wieder zusammenbringt? Is Christ alone. Ist Christus alleine. Ce qui nous réunit toujours, c'est Jésus-Christ lui-même. Praise the Lord. Hallelujah. And that's why no one can separate him from us. Deswegen kann ihn niemand trennen von uns. Ça veut dire personne peut nous séparer de l'Église. And that's why anytime we mention ministry, we mention Christ. Sind wir gemeint? Our ministry. Sagen wir Christus. Ça veut dire toujours quand on parle de l'église, on parle de Jésus-Christ lui-même. Remember John 15, Jesus said, without him, we can do nothing. Without Christ, so it means once you remove Christ from the ministry, you know, from this ministry is no longer, it cannot even stand. Wenn du Christus von der Gemeinde wegnimmst, ist diese Gemeinde nichtig, sie kann nicht mehr standhaft bleiben. Amen. Dans Jean 15, Dieu a dit qu'on ne peut rien faire sans Jésus-Christ. Ça veut dire aussi quand on sépare Jésus-Christ de cette église, mais cette église de Jésus-Christ, ça veut dire que cette église ne peut pas aussi exister. It's not, there's nothing like the ministry, this is Christ. Christ is up. The ministry is down. No, no, no, no, no. Christ is inside the ministry and the ministry is inside Christ. Cannot do that. Christus über der Gemeinde, sondern die Gemeinde ist in Christus und Christus in der Gemeinde. On ne peut pas séparer Jésus-Christ de l'Église. On ne peut pas dire que Jésus-Christ vient avant l'Église parce que sans Jésus-Christ, l'Église n'est pas là. Donc, l'Église est en Jésus-Christ et puis Jésus-Christ est dans l'Église. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. He said, I will live in you and you will live in me. Ich werde in euch leben und ihr werdet in mir leben. Jésus-Christ a dit, vous allez vivre en moi et puis moi je vais vivre en vous. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Remember 1 John 4:17. Erinnert euch an 1. Johannes 4:17. Rappelez-vous à 1 Jean 4, verset 17. He said, as Christ is, so are we right now. So wie Christus ist, so sind wir jetzt. Là on a écrit, comme Jésus-Christ est. Genau jetzt, nicht nachdem wir sterben. C'est là où Jésus-Christ a dit, où, comme Jésus-Christ est, c'est comme ça nous sommes aussi maintenant dans ce monde. Praise the Lord. Hallelujah. We thank him that we are back to him. Wir danken ihm, dass wir wieder zurück zu ihm sind. On remercie Dieu que nous sommes maintenant rentrés à lui. He brought us back to himself. Er hat uns zu sich selbst zurückgebracht. Amen. Il nous a ramené à lui. That is one of the purpose of his coming. Das ist einer der Gründe seines Kommens. Et c'est une raison pourquoi il est venu. Amen. Amen. To bring us back to himself. Um zurückzubringen zu sich selbst. Pour nous ramener à lui. And also to destroy the work of Satan. Und auch um die Werke des Teufels zu zerstören. Et pour détruire aussi les œuvres du diable. On Sunday, we will be in Hebrew 6. Let us go there. Amen. Hebrew 6. On va lire Hebrew 6. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 17. We'll read from 17 to 19. September 19. On va lire verset 17 jusqu'à 19. He said, we are in God. Are we there, please? Willing more abundantly to show unto the heirs of promise the immutability of his counsel. That is his purpose. Then speak. Confirmed it by an oath. He sworn. Amen. Amen. By an oath. That by two immutable things, in which it was impossible for God to lie, we might have a strong consolation, who have fled for refuge to lay hold upon the hope set before us. Verse 19 also is good. 19. Which hope we have as an anchor of the soul, both sure and steadfast, and which entered into that within the veil. Praise the Lord. Amen. Verset 17 à 19. Avec Abraham, c'est la même chose. Sa famille devait recevoir les biens promis par Dieu. Dieu a voulu montrer clairement qu'il ne changerait jamais d'avis. C'est pourquoi il a ajouté un serment à sa promesse. Une promesse et un serment, voilà deux choses qu'on ne peut pas changer. Dans sa promesse, dans son serment, Dieu ne peut donc absolument pas mentir et cela nous encourage beaucoup. Ainsi, nous avons tout laissé pour saisir l'espérance qui nous est offerte. He is telling us that his purpose for us can never change. Hier steht, dass sein Zweck für uns sich niemals ändern kann. Et puis Dieu nous dit qu'il peut jamais changer sa promesse pour nous. Amen. Amen. Because it is impossible for God to lie. Es ist möglich für Gott zu lügen. Parce que c'est impossible à mentir pour Dieu. You know, as great as his name is. So groß wie sein Name auch ist. Parce que son nom est très grand. His word is greater than his name. Ist sein Wort sogar größer als sein Name. Mais sa parole est plus grand que son nom. Psalm 138, verse 2. Psalm 138, verse 2. Psalm 138, verse 2. Amen. Amen. He said the name, you know, Christ's word is above his name. Das Wort von Christus über seinem Namen. Parce que la parole de Dieu est plus grand que sa parole que son nom, pardon. Amen. Amen. He must obey his own word. Er muss sein eigenes It is Wort befolgen. A must. He cannot go outside his word. Er kann nicht außerhalb von seinem Wort handeln. Dieu lui-même il doit obéir à sa parole, il ne peut pas changer ses principes. And that's why if he tell you that I give you, my peace I give unto you, he has really given it to you. C'est quand il dit, ich habe dir meinen Frieden gegeben, hat er dir wirklich seinen Frieden gegeben. Amen. C'est ça, quand il te dit qu'il t'a donné sa propre paix, ça veut dire aussi t'a vraiment donné la paix. Amen. Amen. You know, even the natural king. Selbst die natürlichen Könige. Même le roi naturel. They don't violate their own word. Sie brechen auch ihr Wort nicht. Ils ne changent pas aussi leur promesse. Let us quickly look at example of one. Amen. That we have here in the Bible. Amen. One of them. Matthew 14. Matthäus 14. Matthieu 14. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Matthew 14, from Matthew verse 14, 1 to 13. 1 bis 13. Matthieu 14, verset 1 à 13. You know the story of John the Baptist. Ihr kennt die Geschichte von Johannes der Täufer. Vous connaissez l'histoire de Jean Baptiste. He said at that time, Herod the Tetrarch heard of the fame of Jesus and said unto his servants, this is John the Baptist. He is risen from the dead. And therefore, mighty works do show forth themselves in him. For Herod hath laid hold on John, and bound him, and put him in prison for Herodias' sake. That is his wife, you understand it? Mm-hmm. His brother Philip's wife. This man took his brother's wife. Dieser Mann hat die Frau seines Bruders genommen. Er hat pris la femme de son frère Philippe. Amen. Amen. For John said unto him, it is not lawful for thee to have her. And when he would have put him to death, he feared the multitude, because they counted him as a prophet. That's John. Amen. Amen. Verse 6. But when Herod's birthday was kept, the daughter of Herodias danced before them and pleased Herod. Amen. Amen. Whereupon he promised with an oath. You know, here, if you look at where we are coming from, we go there later. Amen. Mm-hmm. He said, God swore with oath. Gott hat mit einem Eid geschworen. Amen. Dieu a juré. Praise the Lord. Hallelujah. And this man, you know, he said, verse 7 again, whereupon he promised with an oath to give her whatsoever she would ask. And she being before instructed of her mother, said, give me here John the Baptist's head in a charger. And the king was sorry, nevertheless, for the oath. Praise the Lord. Hallelujah. For the oath. Sake. Des Eides willen. À cause du serment que Hérode a fait, il ne pouvait pas changer sa parole. And then we sat with him at meat. He commanded it to be given her. And he sent and beheaded John in the prison. And his head was brought in a charger and given to the damsel. Praise the Lord. Hallelujah. And she brought it to her mother. Amen. Amen. And his disciples came and took up the body and buried it, and went and told Jesus. Jesus heard about it. Jesus hat davon gehört. Jésus a écouté ce qui s'est passé avec Jean-Baptiste. But he did not go and raise him up. Aber er hat ihn nicht von den Toten auferweckt. Mais il est pas parti là-bas pour le ressusciter. This should teach you a lot of things. Das sollte uns vieles zeigen. Et ça doit t'apprendre beaucoup de choses. Are you getting it? Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Once a king speak, that his word is law. Wenn ein König spricht, ist sein Wort Gesetz. Quand un roi parle, sa parole est une loi. You know, remember, we are also kings. We are the supernatural kings. Wir sind auch übernatürliche Könige. Even greater than the natural. Größer als die natürlichen Könige. Amen. Et nous aussi, nous sommes des rois et des reines, mais dans le monde surnaturel, et que nous sommes plus grands que les rois naturels. Let us be careful of what we say. Lasst uns achten auf das, was wir sagen. On doit faire très attention avec ce qu'on dit. Amen. Amen. You know, verse 13. Verse 13. He said, when Jesus heard of it, he departed thence by ship into a desert place apart. And when the people had heard thereof, they followed him on foot out of the cities. Is somebody getting something here? Amen. Mm-hmm. You know, here should help us to know that Jesus was not about the flesh. Jesus ging es nicht das Fleisch. What Mark called miracle. Die Wunder. Verset 13, quand Jésus apprend cela, il part seul dans une barque pour aller dans un endroit isolé, loin des gens. Mais les foules l'apprennent, elles sortent des villes et elles suivent Jésus en marchant au bord de l'eau. Ici, ça montre que Jésus-Christ n'était pas à travers de la chair, parce qu'après, quand Jean-Baptiste est mort, il n'est pas allé pour sauver Jean-Baptiste. Praise the Lord! Alléluia. You can see what people are pursuing today. Ah, wir sehen, wohin die Leute, was Leute heute suchen. Yeah. On voit ce que les gens sont en train de poursuivre. Amen. Amen. Healing. Heilung. Guérison, par exemple. Somebody is dead. We are looking for a pastor to raise him from the dead. Jemand ist verstorben und sie suchen nach einem Pastor, der ihn auferweckt. Si quelqu'un est mort, les gens cherchent un pasteur qui va ressusciter le mort. You know all that Jesus did. Alles, was Jesus getan hat. Tout ce que Jésus a fait. In his period. In zu seiner Zeit. Dans son temps. That was just 33.5 years. Diese 33.5 Jahre. C'est les 33 ans qu'il a fait ici. He was preparing us for this time. Er hat uns auf diese Zeit vorbereitet. Donc dans les 33 ans où Jésus-Christ a été ici, il nous a préparé pour l'avenir. All the miracles. Alle Wunder. If you look at them, if you allow the Holy Spirit to help you to get it, you will see that they were all talking about this time. All die Wunder haben alle auf diese Zeit verwiesen. Et puis tous les miracles qu'on voit ici dans la Bible, c'était une préparation pour les temps où nous sommes maintenant. Everything, the giving sight to the blind, the raising of the dead, they were all shadow of this period that we are now. Jedes Wunder war ein Schatten von der heutigen Zeit, in der wir uns befinden. Et puis qu'il a, il a guéri, il a guéri les aveugles ou bien guéri les malades. Ça veut dire que c'était comme un exemple pour le temps d'aujourd'hui. Hébreux 6. Praise the Lord. Hallelujah. Hébreux 6, verset 9. Are we there, please? Mm-hmm. He said, but beloved, we are persuaded better things of you. And things that accompany salvation, though we thus speak. For God is not unrighteous to forget your work and labor of love. You see there? Mm-hmm. He says he never forgets his family. God forgets his family, nicht? Mm-hmm. Ici on a écrit que Dieu n'oublie jamais sa famille. He never forgets you. Il vergisse dich nicht. Et puis il t'oublie si jamais. And you are always there for him. C'est ma fille d'abord. Que tu es toujours là pour lui. Praise the Lord. Amen. For God is not unrighteous to forget your work and labor of love, which you have shown towards his name, in that you have ministered to the saint and do minister. You get it. Mm. Always there for one another. Immer da seid für die Gemeinde. Verset 10. Dieu n'est pas injuste. Il ne peut pas oublier ce que vous faites, ni l'amour que vous avez montré pour lui. Vous avez montré cet amour autrefois en servant les autres chrétiens et vous le faites encore maintenant. Donc ça montre que Dieu ne peut pas oublier que tu es toujours là pour lui puis pour l'église. Always there for Jesus. Immer da sein für Jesus. Tu es toujours là pour Jésus. Amen. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. He said he never forget what you minister to the saint. Er vergisst you nicht, and me, we are the saint. Wir sind die Heiligen. Amen. His family. Seine Familie. Et Dieu a dit qu'il ne va jamais oublier ce que tu fais pour les saints. Pour les saints, sont toi et moi comme sa famille. His children are the saints. Seine Kinder sind die Heiligen. Ses enfants sont les saints. Amen. Verse 11. And we desire that every one of you do show the same diligence to the full assurance of hope until the end. It's not just one. Continue in it to the end. Sondern weitermach bis zum Ende. Et puis si tu nous dis que c'est très important de continuer jusqu'à la fin. Continue to be there for Christ till the end. Weiterhin da sein für Christus bis zum Ende, nicht nur einmal. Continue d'être là pour Jésus-Christ jusqu'à la fin, pas seulement une seule fois. Jesus is never tired of you. Jesus hat dich niemals satt. Amen. Parce que Jésus-Christ est jamais fatigué de toi. Don't be tired of him. Hab ihn nicht satt. Ne sois pas fatigué de lui-même. Don't be tired. You know, don't be tired of being there for his gospel. Sei niemals, hab es niemals satt, für sein Evangelium da zu sein. Et puis ne sois jamais fatigué d'être là pour son évangile. Don't be tired of being there for one another. Hab es nicht satt, für seine Kinder da zu sein. Et ne sois pas fatigué d'être là pour ses enfants. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 12. that you be not slothful, but followers of them who through faith and patience inherit the promises. For when God made promise to Abraham, because he could swear by no greater, he swore by himself. Amen. Amen. Saying, surely blessing, I will bless thee, and multiplying, I will multiply thee. And so after he had patiently endured, he obtained the promise. Are you getting something here? Mm-hmm. You know, patiently endure. Geduldig dranbleiben. Abraham attendit avec patience. Ne sois pas pressé. Amen. Don't be in haste. Sei nicht in Eile. Ne sois pas pressé. If you are in haste, you will miss him. Wenn wir in Eile sind, werden wir ihn verpassen. Si tu es pressé, tu vas rater Dieu. We know what happened to Abraham because of schneller. Wir wissen, was Abraham passiert ist, weil er in Eile war, auf seine eigene Weise getan hat, nach dem System dieser Welt. Et puis on sait aussi ce qui s'est passé dans la vie d'Abraham parce qu'il n'était pas pressé. Et si quand tu n'es pas pressé, tu vas vouloir faire tout dans ta propre manière. That was how Hagar came in. So ist Hagar dann erschienen, dazwischen gekommen. Et c'est comme ça comment Hagar a maintenant trouvé sa place dans l'histoire. Reject that of this world. Verweigere die Wege dieser Welt. Lass zu, dass es Christus alleine ist. Tu as rejeté le chemin du monde, puis accepté le chemin du Christ. Verse 16 says, for men verily swear by the greater and oath for confirmation is to them an end of all strife. Oath. Amen. Amen. We also read it in Matthew 14. Wir haben es auch mal Matthäus 14 gelesen. Swear with oath. Wo der König mit einem Eid geschworen hat. On vient de lire aussi l'histoire où le roi a juré avec son serment. Praise the Lord. Hallelujah. Everything the Lord said, alles, they all sworn by oath. Ist durch ein Eid. Tout ce que Dieu a dit, c'est juré par un serment. All his promises are sworn by oath. Alle seine Versprechen sind geschworen durch ein Eid. Et puis toutes ses promesses sont aussi des serments. Amen. Amen. I mean Christ's word. Ich meine die Worte von Christus. Je parle de la parole de Christ. And not Moses' word. Nicht die Worte von Mose. Pas les paroles de Moïse. Amen. Amen. Christ's word is sworn by oath. It must surely come to pass. Es muss ein Willen, es wird zustande kommen. Et puis les paroles du Christ sont des serments, ça veut dire que tout ce que Jésus-Christ a dit, ça va se faire. Amen. Amen. Whatever the Lord did with Abraham, he's doing it with us today. Was immer der Herr durch Abraham tut, das tut er auch durch uns heute. Parce que tout ce que Dieu a fait avec Abraham, Dieu le fait aussi avec nous aujourd'hui. His words are his purpose for us, for you and me. Sein Wort ist sein Ratschluss für uns. Parce que sa parole sont ses promesses. Ses promesses. Sa promesse pour nous. Amen. Amen. His words. Ratschluss. I mean Christ's words. Die Worte von Christus. Et puis je parle and not Moses' words. Und nicht die Worte von Mose. Et je parle de la parole de Jésus-Christ, pas de la parole de Moïse. Amen. Amen. You know, I always separate it. Christ's word and Moses' words. They are not the same. Ich trenne das immer ganz klar. Lernt das zu trennen, die Worte von Mose und die Worte von Christus. Je sépare toujours la parole, les paroles de Moïse et puis les paroles du Christ, parce qu'il y a une différence. Et puis toi, si tu vas apprendre de les séparer. That of Moses is flesh and blood. That of Christ is spirit and life. Die Worte von Mose sind Fleisch und Blut, und die Worte von Jesus sind Geist und Leben. Parce que les paroles de Moïse sont chair et puissant, et puis les paroles de Jésus-Christ sont vie et vérité. That of Moses is bondage. That of Christ is salvation. Amen. It's freedom. Das von Mose ist Gefangenschaft und das von Christus ist Freiheit. Amen. Et puis la parce que la parole de Moïse est captivité, puis la parole de Christ est liberté. Allah do not want to separate them. Viele wollen das nicht getrennt. For them is adding the new one and the old one together. Die wollen den neuen und alten Jesus, they can never be together. Aber Jesus sagt, das geht nicht. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas séparer les paroles de Moïse et de Christ. Ils veulent toujours mélanger tout ensemble, mais ça ne fonctionne pas. Amen. Amen. Amen. Oh. Abraham had five words. Abraham hatte four, and he believed them. Und hat ihm geglaubt. Et puis Abraham, il avait seulement cinq mots et puis il a cru. He believed them. Er hat ihm just glaubt. Five. Nur fünf. Il a fait confiance aux cinq paroles. And why did he believe them? Wieso hat er sie geglaubt? Et pourquoi il a cru? He believed them because he believed that God can never lie. Er hat sie geglaubt, weil er geglaubt hat, dass Gott nicht lügen kann. Il a cru parce qu'il savait que Dieu ne peut pas mentir. You know why you are worried? Wisst ihr, weshalb ihr euch Sorgen macht? Tu sais pourquoi tu as des soucis? Because you don't believe that God can never lie. Weil du nicht glaubst, dass Gott nicht lügen kann. Parce que tu ne crois pas que Dieu ne peut pas mentir. Are you getting it? A lot are so much afraid of the future. Viele haben Angst vor der Zukunft. Beaucoup ont peur de l'avenir. Amen. Amen. What to eat, what to drink, who to marry, who to... Was wir essen, was wir trinken, wie wir werden. Amen. Ils ont peur de l'avenir, ce qu'ils vont manger, porter, qui vont marier. If he can give life, he can give food. Wenn er Leben wenn er Leben gibt, dann kann er auch Essen geben. S'il peut donner la la nourriture, ça veut dire aussi peut donner la vie. Food and life, what, which of the two is greater? Was ist größer, Essen oder Leben? Praise the Lord. Amen. Today we have millions of words. Heute haben wir Millionen von Worten. Aujourd'hui nous avons beaucoup de paroles, des promesses. Amen. Amen. None of them will go without accomplishing what Christ sent them to do. Und jedes einzelne Wort wird das None tun, of them. Wozu es geschickt worden ist von Jesus. Amen. Et puis chaque parole, puis chaque promesse que Dieu nous a donné, ça va se manifester. In Isaiah 55, verse 8 to 11. Amen. Isaiah 55, 8-11. Isaiah 54. He said, the word that come out of my mouth cannot... It must do its job. Die Worte, die ich von meinem Mund spreche, werden ihren Zweck erfüllen. Il a Dieu dit que chaque parole qui vient de ma bouche, ça doit s'accomplir. Amen. Amen. Amen. You know in Romans 4. Römer 4. Let's go to that of Romans 4. Römer 4. Romans 4. Romans 4. Praise the Lord. Hallelujah. From verse 23 to the end. 23 bis zum Ende. Verset 23 jusqu'à la fin. Look at what Christ said here. Schaut euch an, was Christus hier sagt. Regardez ce que Dieu nous dit ici. He said, now it was not written for his sake alone, that it was imputed to him. But for us also, to whom it shall be imputed, if we believe on him that raised up Jesus, our Lord, from the dead. Whatever the Lord wrote for Abraham is also written for Abraham you, hat, saying it here. Verset 23 à 24, quand les livres saints disent, Dieu l'a reconnu comme juste, ces paroles ne sont pas pour Abraham seulement, elles sont aussi pour nous et Dieu tiendra compte de notre foi. En effet, nous croyons en lui qui a réveillé Jésus, notre Seigneur de la mort. He said the promises for Abraham, they are not for Abraham alone. Die Versprechen von Abraham sind nicht nur für Abraham alleine. Les promesses pour Abraham ne sont pas seulement pour lui-même. And in all these promises, he swore by his Und bei all diesen Versprechungen hat er bei seinem eigenen Namen geschworen. Et dans chaque promesse, Dieu a juré dans son propre nom. Go to Acts 10, verse 34. Apostelgeschichte 10, 34. Actes des Apôtres 10, verset 34. Udall, that's okay. We can also go to Romans. It's the same thing is in Romans 2:11. Let us go to that of Romans 2:11. Romans 2, verset 11. Romans 2:11. Amen. Amen. Are we there, please? You see there? They said, for there is no respect of a person with God. Denn bei Gott gibt es kein Ansehen der Person. En effet, Dieu ne fait pas de différence entre les gens. And that's why if you believe, it's the same. C'est das Gleiche. Donc quand tu crois, tu auras les mêmes résultats comme Abraham. It's not because Abraham was Abraham. Nicht weil Abraham Abraham war. Pas seulement parce que Abraham était Abraham. It's because Abraham believed God. Donc weil Abraham Gott geglaubt hat. Il a été béni parce qu'il a cru en Dieu. If you believe Christ, wenn du Christus glaubst, you get the same result. Wirst du die gleichen Ergebnisse haben. It's no respect of any person. Er bevorzugt keine Leute. Et quand tu fais confiance à Jésus-Christ, tu auras les mêmes résultats comme Abraham parce qu'il ne fait pas de différence entre les gens. You know, man respect person. Menschen, man do things because of people. But not Christ. Achten Menschen unterschiedlich, aber bei Christus ist das nicht so. Er sieht alle gleich. L'homme fait des différences entre l'homme. Il va agir différent quand ils font des gens différents aussi. Mais Dieu n'est pas comme ça. Praise the Lord. Hallelujah. If you believe like Abraham, like Paul, like Peter, wenn du wie Abraham glaubst, wie Petrus glaubst, get the same results. Sehen wir die gleichen Ergebnisse. Si tu crois comme Abraham, Paul ou Pierre, tu auras aussi les mêmes résultats. Christ's purpose for us remains forever. Der Zweck von Christus bleibt für immer. La volonté de Christ pour nous, ça reste pour toujours. Amen. Amen. You know, God's plan was interrupted in Genesis. Gottes after plan the fall. Wurde, da gab es, wurde, genau, danke schön. Gottes Plan wurde unterbrochen im 1. Mose. Le plan de Dieu a été interrompu par dans Genèse. But his purpose never changed. Aber sein Zweck bleibt immer der gleiche. Mais sa volonté, ça reste toujours la même. The Old Testament primarily is seen as the work of the Father. Das Alte Testament wurde ursprünglich als das Werk des Vaters gesehen. Et l'Ancien Testament a toujours vu comme l'œuvre de Dieu le Père. The New Testament is seen as the work of the Son. Und das Neue Testament als das Werk des Sohnes. Et puis le Nouveau Testament est toujours l'œuvre de Dieu le Fils. But in our present age, the period we are now, Zeit, dans les périodes où nous sommes maintenant, this is the work of the Holy Spirit. Sind wir im Werk des Heiligen Geistes. C'est le Saint-Esprit qui agit. He is the one in charge of the earth. Er ist in Kontrolle der, von der Erde. Parce que lui, le Saint-Esprit est au contrôle maintenant. So we need to know him and learn of him. Ihn, verstehen, den Heiligen Geist kennen. Ça veut dire on doit le connaître et puis savoir connaître les principes du Saint-Esprit. Amen. Amen. If you look at the Father, he introduced and sent his Son. Wenn du den Vater anschaust, er hat den Sohn gesandt. Par exemple, Dieu le Père a nous envoyé Dieu le Fils. If you go to Luke 24, verse 44, you know all the prophets, you know the Psalms, they all wrote of Christ. That's the introduction. Die Psalmen und haben von Jesus gesprochen. Sie haben ihn sozusagen vorgestellt. Go there, please. Let's quickly go there. Luke 24. Lukas 24. Verse 44. Lukas 24, Vers 44. Luc 24, verset 44. Praise the Lord. Halleluja. And he said unto them, these are the words which I spake unto you while I was yet with you, that all things must be fulfilled, which were written in the law of Moses, and in the prophets, and in the Psalms concerning me. Praise the Lord. Hallelujah. Verset 44, quand j'étais encore avec vous, je vous ai dit tout ce que disent à mon nom, à mon sujet, la loi de Moïse, les livres des prophètes et les psaumes, tout cela doit se réaliser. The Son introduced and sent the Holy Spirit. Der Sohn hat den Heiligen Geist vorgestellt und uns vorgestellt. Et puis Dieu le Fils nous a introduit le Saint-Esprit, puis il a aussi l'envoyé. And the Son helps us to know the work of the Holy Spirit. Und der Sohn hilft uns, das Werk des Heiligen Geistes zu kennen. Et puis le Fils nous aide à comprendre les œuvres du Saint-Esprit. If you read John 16, in Johannes 16, from verse 5. Und Vers 5. Jean 16, par exemple, jusqu'à à partir de verset 15. Amen. Amen. From verse 5 to 16. Von Vers 5 bis 16. John 16, 5 to 16. If you read it. Amen. We have read it several times. Yeah. Jean 16, verset 5 à 16. Jesus is the word. Jesus ist das Wort. Jésus-Christ est la parole. Christ is the truth. Christ ist die Wahrheit. Mais le Christ est la vérité. Praise the Lord. Hallelujah. Remember the what I just said, the two, you know, the two names. Jesus is the word. Jesus ist das Wort. Christ is the truth. Und Christ ist die Wahrheit. Jésus est la parole et le Christ est la vérité. The Holy Spirit is the power of God. Der Heilige Geist ist die Kraft Gottes. Et le Saint-Esprit est le pouvoir de Dieu. You know, remember Acts 1:8. Apostles. He said, "You will receive power when the Holy Ghost comes." Steht, ihr werdet Kraft empfangen, sobald der Heilige Geist kommt. Là, Jésus-Christ a promis aux les apôtres, il a promis que il va envoyer le Saint-Esprit avec pouvoir. Are you still there, please? In Luke 24. This time, verse 49. Lukas 24, 49. Luc 24, verset 49. He said, "And behold, I send the promise of my Father upon you. But tarry ye in the city of Jerusalem until you be endued with the power from on high." Praise the Lord. Hallelujah. Verset 49. Et moi, je vais vous envoyer ce que mon Père a promis, mais vous devez rester dans la ville en attendant de recevoir la puissance de Dieu. Our power is from above. Unsere Kraft kommt von oben. It's not from here. Und nicht von hier. Notre puissance, ça vient du ciel et pas d'ici. And if you really receive this power, wenn wir diese Kraft wirklich empfangen haben, et si tu as réellement reçu cet pouvoir, you will never remain the same. Wir werden gleich bleiben. Tu vas jamais Amen. Rester la même personne. Amen. Amen. Amen. Again, salvation is a gift for unbelievers. Errettung ist ein Geschenk für Ungläubige. Le salut est un cadeau pour les païens. Baptism of the Holy Spirit is a gift for believers. Die Taufe des Heiligen Geistes ist eine Gabe für Gläubige. Mais le baptême du Saint-Esprit est un cadeau pour les croyants. And in Acts 2, verse 37 to 39, let us go there. Apostelgeschichte 2, talk about the gift. 37. Look at it. Acte des Apôtres 2, Acts verset 37. Apostelgeschichte 2. Verset 37. Amen. Amen. It said, "Now when they heard this, they were pricked in their heart and said unto Peter and to the rest of the apostles, men and brethren, what shall we do? Then Peter said unto them, Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Ghost." Praise the Lord. Hallelujah. The gift is a gift. It's ein Geschenk. Verset 38, Pierre leur répond, changez votre vie, chaque de vous doit se faire baptiser au nom de Jésus-Christ. Ainsi Dieu pardonnera vos péchés et il vous donnera l'Esprit Saint. But the promise is unto you and to your children and to all that are afar off, even as many as the Lord our God shall call. Praise the Lord. Hallelujah. Verset 39. En effet, la promesse de Dieu est pour vous et pour vos enfants. Elle est pour tous ceux qui sont loin, pour tous ceux que le Seigneur notre Dieu appellera. If you look at these two, salvation and baptism of the Holy Spirit, they you receive them separately. They are not the same. Die Wiedergeburt und die Taufe des Heiligen Geistes anschauen, du empfängst sie nicht zur gleichen Zeit. Das sind zwei verschiedene Ereignisse. Si on lit la Bible, on va voir que le salut et puis le baptême du Saint-Esprit sont deux actes différents. Salvation is the Holy Ghost, is the Holy Spirit coming into your spirit with his properties, with his belonging. In der Rettung kommt der Heilige Geist in deinen Geist und kommt mit seinem Eigentum, mit seinem Besitz. Quand tu pries la prière de salut, c'est le Saint-Esprit qui vient en toi avec tous ses biens. Baptism of the Holy Spirit is the Spirit bringing out the victory in your spirit into the physical world. In der Taufe des Heiligen Geistes bringt der like Heilige the cup Geist you used to draw water das, was in deinem Geist from raus, the west. In die physische Welt, wie ein Becher, mit dem du Wasser schöpfst. Mais dans le baptême du Saint-Esprit, le Saint-Esprit ramène tout ce qui est dans ton esprit puis pour que ça se manifeste au monde naturel. You know, a lot don't believe in baptism of the Holy Spirit. They just want salvation. You know, baptism of the Holy Spirit, without it, to remain safe, it's almost impossible. Viele ergeben sich zufrieden mit der Wiedergeburt, aber ohne Taufe des Heiligen Geistes ist es fast unmöglich, errettet zu bleiben. Il y a beaucoup de gens qui s'intéressent pas pour le baptême du Saint-Esprit, sont contents puis satisfaits avec le salut, mais sans le baptême du Saint-Esprit, c'est presque impossible de rester sauvé. Because you are going to be drawing out the water. Und du wirst das Wasser. And you need something to draw out the water. Du brauchst etwas, um das Wasser rauszuschöpfen. Parce que tu vas toujours prendre de l'eau. Tu as besoin d'un vaisseau, comme un grand vaisseau. Un gobelet. Tu as besoin d'un gobelet pour puiser de l'eau. Pour puiser. Je sais pas si c'est une canne. Tu as toujours besoin d'un gobelet pour puiser de l'eau. Praise the Lord. Hallelujah. You know, if water is in the well and you cannot draw the water out, you are going to die. Wenn Wasser in einem Brunnen ist und du dieses Wasser nicht rausziehen kannst, rausschöpfen kannst, dann wirst du verdursten. If somebody gets in it. Si, par exemple, de l'eau dans la fontaine, et puis tu ne peux pas arriver pour prendre de l'eau dans la fontaine, là tu vas mourir parce que tu as soif. Praise the Lord. Amen. You know, a lot of time, you know, once you have prayed the prayer of salvation, you say no. You know, you let us remain that way. You know, you go to the Bible. It's everywhere in the Bible. Amen. In John 20:22, they receive into them the Holy Ghost, salvation. You know, there are all the places in the Bible. I don't know if we can even go through all today. Amen. Amen. Viele glauben, dass es mit der Wiedergeburt zu Ende geht, aber es geht weiter. Die Taufe des Heiligen Geistes ist wichtig. Beaucoup de gens croient que s'ils ont fait par exemple la prière de salut, là c'est fini, mais c'est pas fini. Là, tu dois faire le baptême du Saint-Esprit. Mm-hmm. On peut le voir aussi partout dans la Bible. Salvation is Jesus Christ himself coming into your spirit. Errettung bedeutet, dass Jesus Christus in deinen Geist kommt. Le salut, ça veut dire que Jésus Christ lui-même vient dans ton esprit. Amen. Amen. Mm-hmm. Baptism of the Holy Spirit is the Holy Ghost. Is Christ himself soak you in the Holy Ghost and not in water like John the Baptist, but in the Holy Spirit, just like you jump into a swimming pool. Jesus selbst tauft dich in seinen Geist, nicht mit physischem Wasser, sondern in seinen Geist, so dass du in einen Pool reinspringst. Mais dans le baptême du Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ lui-même qui te plonge dans le Saint-Esprit pour qu'il te couvre. Praise the Lord. Amen. John 20. Verse 22. Jean 20, verset 22. Here they receive salvation. Hier haben sie Ici, on lit qu'ils ont reçu le salut. He said, and when he had said this, he breathed on them and said unto them, receive ye the Holy Ghost. The Holy Ghost, that is Christ himself, coming inside into their spirit. Christus selbst, der in ihren Geist kommt. Verset 22. Après ces paroles, il souffle sur eux et il leur dit, recevez l'Esprit Saint. Ici, ça montre que le salut s'est manifesté dans la vie des disciples. Das, Rettung. C'est le salut. Act 1, verse 5 to 8 talks about the promise of the Father. In Apostelgeschichte 1, 5 bis 8 geht es um die Versprechen des Vaters. Act des Apôtres parle de la promesse de Dieu le Père. That you are going to be soaked in the Holy Ghost. Dass wir getauft werden in den Heiligen Geist. Que tu vas être plongé dans le Saint-Esprit. Whatever Jesus said or did for his disciples is for all of us today. Was immer der Heilige, was immer Jesus mit und für seine Jünger getan hat, ist auch für uns heute. Et puis tout ce que Jésus-Christ a promis à ses disciples puis aux apôtres, c'est aussi pour nous aujourd'hui. No, if you go to John 17, quickly go there. John 17. Jean 17. Praise the Lord. Hallelujah. John 17. Johannes 17. Verse 9 and verse 20. Jean 17, verset 9 et verset 20. He said, I pray for them. I pray not for the world, but for them which thou hast given me. Amen. For they are yours. They are thine. Amen. Jesus did not pray for the whole world. Jesus hat nicht für die ganze Welt gebetet. Verset 9. Only for his family. Amen. Nur für seine Familie. Verset 9. Moi, je prie pour eux. Je ne prie pas pour le monde, mais je prie pour ceux que tu m'as donné. Oui, ils sont à toi. Ici, ça montre que Jésus-Christ a prié seulement pour sa famille. And that's why, you know, sometimes if you are even so weak and you cannot pray, just remember he has prayed for you. Wenn du manchmal müde bist und nicht beten kannst, erinnere dich daran, dass für dich gebetet hat. Amen. Et si ça arrive, par exemple, que tu es faible et puis tu n'arrives pas à prier, rappelle-toi que Jésus a prié pour toi. Amen. As you are going to say, just thank you for praying for me. Du sagst einfach nur danke, dass du für mich gebetet hast. You just know I cannot pray. Denn du weißt, dass ich nicht beten kann für mich. Dis seulement Jésus-Christ, merci comme tu as prié pour moi parce que. Oui. Praise the Lord. Hallelujah. And in verse 20. Verse 20. Verse 20. He said, neither pray I for this alone. I'm not praying for the disciples alone. Ich bete nicht nur für die Jünger. But for them which also which shall believe on me through their words. Praise the Lord. Hallelujah. That prayer is for everybody, for all of us. Gebet ist für alle, für seine Familie. Verset 20. Je ne prie pas seulement pour mes disciples, je prie aussi pour ceux qui croiront en moi à cause de leurs paroles. Donc ça montre que la prière que Jésus-Christ est en train de faire ici, c'est pour tous les croyants. And that's why, you know, we Satan want to accuse you, not condemn you, or we want to bring anything to you and say, you cannot even pray. Just tell him, my father prayed for me. Amen. Wenn der Satan verurteilen will, wenn du dich gebetet hast, dann erinnere den Satan einfach daran, dass dein Vater für dich gebetet hat. Amen. C'est ça, quand le diable veut venir t'accuser, vient te condamner parce que tu n'arrives pas à prier, dis seulement que Jésus-Christ, mon Père, a déjà prié pour moi. Praise the Lord. Amen. Let's go to Act 8. Apostelgeschichte 8. Act des Apôtres 8. Let me see if we have anything to do there. Amen. Amen. Act 8. Apostelgeschichte 8. Act des Apôtres 8. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 14 to 17. 14 bis 17. He said, now, 14 à 19. When the apostles which were at Jerusalem heard that Samaria had received the word of God, they sent unto them Peter and John. Verse 15. Who, when they were come down, prayed for them, and that they might receive the Holy Ghost. As yet he was falling upon none of them. Only they were baptized in the name of the Lord Jesus. Then laid they their hands on them, and they received the Holy Ghost. Praise the Lord. Verset 14 à 17. À Jérusalem, les apôtres apprennent que les gens de Samarie ont reçu la parole de Dieu. Ils leur renvoient donc Pierre et Jean. Quand les deux apôtres arrivent en Samarie, ils prient pour que les croyants reçoivent le Saint-Esprit. En effet, l'Esprit Saint, n'est pas encore descendu sur personne parmi eux. Ils ont seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean posent les mains sur leur tête et ils reçoivent l'Esprit Saint. Praise the Lord. And if you also go to Acts 19, verse 1 to 7, concerning the Holy Spirit. Amen. Et la même chose sur le Saint-Esprit, on trouve dans l'Acte des Apôtres 19, verset 1. He said, and it came to pass that while Apollos was at Corinth, Paul, having passed through the upper coast, came to Ephesus, and finding certain disciples, he said unto them, have you received the Holy Ghost since you believe? Are we there, please? Mm-hmm. Have you received the Holy Ghost since you believe? Verse 2. Amen. Mm-hmm. They believe on Jesus. Sie haben an Jesus geglaubt. Verset 1. Pendant qu'Apollos est à Corinthe, Paul traverse la région des montagnes et il arrive à Éphèse. Là, il trouve quelques disciples et leur demande, quand vous êtes devenus croyants, est-ce que vous avez reçu l'Esprit Saint? Ils répondent, mais nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Esprit Saint. Amen. Amen. And they said unto him, we have not so much as heard whether there be any Holy Ghost. It's not different from today. Amen. And he said unto them, unto what then were you baptized? And they said unto John Baptist. They said Paul, John verily baptized with the baptism of repentance, saying unto the people, that they should believe on him which should come after him, that is, on Christ Jesus. When they heard this, they were baptized in the name of the Lord Jesus. And when Paul had laid his hands upon them, the Holy Ghost came on them, and they spake with tongues and prophesied. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Verset 4, Paul leur dit, Jean a baptisé ceux qui voulaient changer leur vie. Et il disait au peuple, croyez en celui qui va venir après moi, c'est-à-dire en Jésus. Quand les croyants d'Éphèse attendent cela, ils se font baptiser au nom du Seigneur Jésus. Paul pose les mains sur leur tête et ils reçoivent l'Esprit Saint. Alors ils se mettent à s'exprimer en langue inconnue et à parler au nom de Dieu. All this message is supposed to be Sunday's message, this last Sunday. Amen. That we could not get it. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. The days of the Father and of the Son was of flesh and blood. Die Tage des Vaters und des Sohnes waren von Fleisch und Blut. Le jour de Dieu le Père et puis Dieu le Fils étaient chair et puis sang. Because the Holy Ghost has not come upon us. Weil der Heilige Geist noch nicht in us and with us. Auf uns gekommen ist, um in uns und bei uns zu leben. Parce que le Saint-Esprit n'était pas là pour vivre en nous et puis de nous couvrir. In John 14, go to John 14. Jean 14. Praise the Lord. Hallelujah. John 14, 15 to 19. Jean 14, 15 à 19. Amen. Amen. If you love me, keep my commandment. I will pray the Father, and he shall give you another comforter, that he may abide with you forever. Even the Spirit of truth, whom the world cannot receive. Praise the Lord. Hallelujah. The world cannot receive the Holy Ghost. Das Wort, die Welt kann den Heiligen Geist nicht empfangen. Verset 15, si vous m'aimez, vous obéirez à mes commandements. Et moi, je prierai le Père. Et il vous donnera quelqu'un d'autre pour vous aider, quelqu'un qui sera avec vous pour toujours. C'est l'Esprit de vérité. En effet, le monde ne peut pas le recevoir. He said, because it seeth him not, neither knoweth he. But you know he, for he dwelleth with you and shall be in you. I will not leave you comfortless. I will come to you. Yet a little while, And the world seeth me no more. But you see me, because I live. Mm. You shall also live. Amen. Amen. At that, let me see. Okay, we stop there. Amen. Amen. They see me not. Sie sehen mich nicht. But you see me. Aber ich, ihr seht mich. You know I live. Ihr wisst, dass ich so lebe. Also you live. Und so lebt ihr. Amen. Ici, Jésus-Christ nous dit que dans peu de temps, le monde ne me verra plus. Vous me verrez vivant et vous vivrez aussi avec moi. Praise the Lord. Hallelujah. The last days began when Jesus rose from the dead. Die letzten Tage haben angefangen, als Jesus von den Toten auferstanden ist. La fin du monde a commencé quand Jésus-Christ est ressuscité de la mort. When the Holy Ghost was released on earth. Als der Heilige Geist auf diese Welt gelassen wurde, dann haben die letzten Tage angefangen. La fin du monde a commencé quand le Saint-Esprit est venu dans ce monde. In the Old Testament, there's a term used to describe the days of Jesus. Im Alten Testament gibt es einen Begriff, um die Tage von Jesus zu beschreiben. Et puis dans l'Ancien Testament, il y a un terme pour expliquer ou bien pour expliquer la fin du monde. It was called the days of the Lord. Und diese Tage werden die Tage des Herrn genannt. Et puis on appelle ça le jour de Dieu. And it was 33.5 years. Und es waren 33 Jahre. Et c'était 33 ans. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Remember, Peter talks about this. What God called this. What day, what just a day is for God. Let's go to 2 Peter. Peter hat darüber gesprochen, was ein Tag für den Herrn bedeutet. Et puis Pierre a expliqué ce qui ça veut dire d'avoir un jour pour Dieu. You know, that's why when the Lord, when the Lord, anytime Christ speaks to us, the Holy Spirit speaks to us and he gives us date. And you know, you'll be surprised if it's not that day that you are thinking that it is. Wenn Christus zu uns spricht und uns einen Tag offenbart, wundert es uns manchmal, wenn es dann nicht an diesem Tag passiert. Si par exemple le Saint-Esprit parle à nous et puis nous révèle qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans tel et tel jour, nous sommes toujours surpris si ce jour-là n'arrive pas. 2 Peter 3, verset 8. 3, vers 8. Pierre 3. Ah, Deuxième Pierre 3, verset 8. He said, but beloved, be not ignorant of this one thing, that one day is with the Lord a thousand years, and a thousand years as one day. Praise the Lord! Verset 8. En tout cas, amis très chers, n'oubliez pas ceci. Pour le Seigneur, un jour est comme 100 ans, et 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. The last days, this period we are is so important. Diese letzten Tage, in denen wir uns befinden, sehr wichtig. Les derniers jours sont très importants aujourd'hui. It is important because it is nothing of the flesh. Es ist wichtig, weil es nicht Fleisch ist. C'est important parce qu'il s'agit pas de la chair. You have to know the difference between them. Du musst den Unterschied kennen zwischen ihnen. Et tu dois connaître la différence. The period of the Father, the Son, then the Holy Ghost. Die Zeit des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. La différence entre la période du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Praise the Lord. Hallelujah. The days of the Father and of the Son, they were of flesh and blood. Die Tage des Vaters und des Sohnes waren and not of the Spirit. Vom Geist. Parce que les jours du Fils ont été chair et sang et pas esprit. You know, it was not the period of the Spirit because the Holy Ghost has not come. Es war nicht die Zeit des Geistes, weil der Heilige Geist noch nicht. He cannot live in a man. Er konnte in den Menschen noch nicht leben. Et puis c'était pas la période du Saint Esprit parce que le Saint Esprit n'a pas encore été venu ici dans ce monde. Man could not have the spirit of Christ on the inside. Der Mensch konnte den Geist von Christus nicht in sich. Et puis l'homme ne pouvait pas avoir le Saint-Esprit pour qu'il vit en l'homme. That's why the blood of Jesus is very important. Deswegen ist das Blut von Jesus sehr wichtig. Et c'est pourquoi le sang de Jésus-Christ est important. To clean the vessels. Um das Gefäß zu reinigen. Pour soigner les vaisseaux. To clean our body. Unseren Körper zu reinigen. Et nos corps aussi. So that the Holy Ghost can come inside and continue to live in us. Damit der Heilige Geist in uns reinkommen kann und uns bleiben kann. Pour que le Saint-Esprit vienne en nous et puis pour qu'il vive aussi en nous. That's why Jesus was able to promise that he will not leave you, will not forsake you. Deswegen war Jesus in der Lage, uns zu versprechen, dass er uns niemals verlässt und im Stich lässt. C'est ça, Jésus-Christ était capable à promettre qu'il va nous jamais nous abandonner jamais et puis Amen. Nous laisser Amen. Jamais. Today our body is Christ's temple. Heute ist unser Körper der Tempel von Jesus Christus. Et aujourd'hui notre corps sont nos corps sont les temples de Dieu. The Holy Spirit is not an evil spirit. Der Heilige Geist ist kein bösartiger Geist. Et le Saint-Esprit est pas un esprit mauvais. He cannot live in a dirty place. Er kann nicht in einem unreinen Ort leben. Et puis il peut pas vivre dans un endroit sale. If I say dirty, without the blood, you are dirty. Ohne das Blut bist du unrein. Et quand je dis sale, ça veut dire que sans le sang de Jésus-Christ, tu es sale. Amen. Amen. I'm not saying you lie, you steal, you don't, you know. It's not about lying, stealing. It's about the blood. Es geht nicht um das to be dead is about the blood. Es geht um das Blut. Et puis, the blood, Christ's blood. Das Blut von Jesus Christus, nur das kann dich reinmachen. Quand je dis sale, je dis pas que parce que tu mens ou bien tu fais la fornication, mais c'est parce que tu n'as pas le sang de Jésus-Christ. C'est là où tu es sale. Amen. Amen. I don't steal, I don't lie. That does not mean you are clean. Dass du nicht stehlst, dass du nicht lügst, heißt nicht, dass du rein bist. Seulement parce que tu ne mens pas ou tu voles pas, ça veut dire pas que tu es pas sale. Because you cannot clean yourself. Denn du kannst dich selbst nicht reinigen. Parce que tu peux pas te soigner toi-même. Praise the Lord. Hallelujah. You know, the Holy Ghost needs the blood of Christ to live and continue to live in us. Der Heilige Geist braucht in our body. Christus, um in unserem in uns weiterhin zu leben. Et le Saint-Esprit a besoin du sang de Jésus-Christ pour continuer à vivre en nous. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. And that's why, you know, we have to continue to see the finished work of Christ. Deswegen müssen wir weiterhin auf das fertige Werk von Jesus sehen. C'est ça, c'est très important qu'on se concentre sur l'œuvre de Jésus-Christ qu'il a accompli. Once you remember what Christ did for you, Christ's blood is in action. Was Christus für dich getan hat, His blood is in action. It's the one working. Blut. Amen. Et l'action de Dieu, c'est ça ce qui est important. Le sang de Jésus-Christ, c'est ça ce qui est important dans ta vie. Then the Holy Spirit can do His job. Dann kann der Heilige Geist auch sein Werk vollbringen. Et c'est à partir de là où le Saint-Esprit peut agir. The Holy Ghost only sees the blood of Christ. Der Heilige Geist sieht nur das Blut von Jesus. He needs that blood for what? Er braucht das Blut, um zu arbeiten. Amen. Et le Saint-Esprit, il voit seulement le sang de Jésus-Christ. Et puis quand il voit le sang de Jésus-Christ, c'est là où il peut agir. Praise the Lord. Hallelujah. He's so conscious of that blood. Il est conscient so bewusst. Il est conscient du sang de Jésus-Christ. He can only see that blood and start walking. Er kann nur das Blut sehen und dann arbeiten. Et puis quand il voit le sang de Jésus-Christ, il agit directement. Praise the Lord. Hallelujah. Because of Christ. Wegen Christus. À cause de Jésus-Christ. Because of Christ's blood. Wegen dem Blut von Jesus Christus. And the Holy Ghost. Und dem Heiligen Geist. We are not natural people. Sind wir keine natürlichen Menschen. À cause du sang de Jésus Christ et puis le Saint-Esprit qui est en nous, nous ne sommes pas des hommes naturels ou ordinaires. How to be, you know, how to live in the supernatural world of Christ. It's not I don't lie, I don't steal. Those things don't have anything to do with it. Wie wir in der übernatürlichen Welt von Christus leben, ist nicht, indem wir nicht stehlen oder lügen. Das hat nichts damit zu tun. Et pour qu'on vit dans le royaume de Dieu, bien au monde surnaturel, ce n'est pas parce qu'on ne ment pas, bien on ne vole pas, mais c'est à cause du sang de Jésus-Christ. It is by seeing the finished work of Christ. Indem wir das fertige Werk von Jesus Christus sehen, das Blut sehen. Amen. Et tu vis au monde surnaturel quand tu vois l'œuvre de Jésus-Christ qui l'a accompli. And be conscious of the Holy Spirit. Und uns bewusst sind über den Heiligen Geist. Et tu dois être aussi conscient du Saint-Esprit. In 1 Corinthians 2:14 talks about the natural man. In 1 Korinther 2:14 spricht über den natürlichen Menschen. 1 Corinthiens 2 verset 4 parle de l'homme naturel. You know, this period of the Holy Ghost have nothing to do with any flesh and blood. Die Zeit des Heiligen Geistes hat nichts zu tun. That's why the churches, all churches, they are confused today. Deswegen sind so viele Gemeinden verwirrt. Et la période du Saint-Esprit a rien à voir avec la chair ou bien avec avec des choses naturelles, c'est ça pourquoi les églises sont confuses aujourd'hui. Amen. Amen. You know, that's why they want to erase the Holy Spirit. They don't want to hear anything of the Holy Spirit. Wollen den Heiligen Geist weg. Because you know, this period has nothing to do with flesh and blood. Denn diese Zeit hat nichts mit Fleisch und Blut zu tun. Et c'est ça pourquoi beaucoup d'églises veulent enlever le Saint-Esprit parce qu'ils comprennent seulement la chair, mais cette période ici a rien à voir avec la chair ni avec le sang. And that's why, you know, that is why it is not about any natural things. Deswegen geht es nicht um natürliche Dinge. Et c'est ça pourquoi il ne s'agit pas de choses naturelles. Praise the Lord. Amen. You know, Christ, you only use the natural to teach us the supernatural. Christus hat einfach nur das Natürliche benutzt, um uns das Übernatürliche beizubringen. Et puis Jésus-Christ a seulement utilisé les choses naturelles pour nous expliquer les choses surnaturelles. It is like the centurion man. C'est so wie der römische Hauptmann. C'est comme l'homme centurion man. Le soldat romain. Soldat romain. Amen. Amen. It is like the centurion man. Wie der römische Hauptmann. C'est comme le soldat romain. Through the natural authority. He had. Durch die natürliche Autorität, die er hatte. He was able to believe the supernatural authority that Jesus had. War in der Lage, über die übernatürliche Autorität, die Jesus hatte, zu glauben. Parce qu'il avait l'autorité au monde naturel, était capable à comprendre l'autorité de Jésus-Christ au monde surnaturel. Without the power of the Holy Spirit, man cannot believe and understand heavenly things. Ohne die Kraft des Heiligen Geistes no, kann der Mensch die himmlischen Dinge nicht verstehen. Sans le Saint-Esprit, l'homme n'est pas capable à comprendre les choses célestes. The Holy Spirit has nothing to do with religion. Der Heilige Geist hat nichts mit Religion zu tun. Le Saint-Esprit a rien à voir avec la religion. Praise the Lord. John 3. John 3, verse 12. Johannes 3, Vers 12. Jean 3, verset 12. Amen. Amen. You know, this religious man, he was so religious. Dieser religiöse Mensch war so religiös. He was, you know, one of the leaders. Einer der Führer. Amen. Amen. Ici, on voit que l'homme a été tellement religieux qu'il ne pouvait pas comprendre Jésus-Christ. Look at what Jesus said to him. Schaut euch an, was Jesus zu ihm sagt. If I have told you earthly things and you believe not, how shall you believe if I tell you heavenly things? Quand je vous parle des choses de la terre, vous ne me croyez pas. Alors quand je vous parlerai des choses du ciel, comment pourrez-vous me croire? Is somebody getting something here? They cannot even understand your salvation. Sie können Errettung nicht verstehen. They cannot even understand salvation. Jesus called salvation earthly thing. Jesus hat Errettung irdisch genannt. Et puis les gens religieux ne sont pas capables à comprendre les choses, le salut. Et puis Jésus-Christ appelle le salut les choses de la terre. Donc, here Jesus was trying to help you to understand what salvation is. Jesus hat ihm geholfen zu verstehen, was Errettung ist. Donc, to be born again. Wiedergeboren zu sein. Et Jésus-Christ a aidé l'homme religieux à comprendre le salut. A baby stuff. That's some basics. It's some des choses faciles. You cannot get it. How can you get? Das verstehst du nicht. Si tu es pas capable à comprendre les choses faciles, comment tu vas comprendre les choses difficiles? The natural blindness, healing. Die natürliche Blindheit. As a whole. Heilung im Ganzen. Que tu es aveugle, par exemple, tu es aveugle au monde naturel. Or your handkerchief touching people and healing them. Oder dass dein Schweißtuch Menschen berührt und heilt. ou bien quand tu transpires, tu... Ton papier mouchoir. Ta serviette. Ou ton essuie-main. Quand tu transpires, par exemple, et puis tu utilises un papier de mouchoir, ça peut, c'est capable aussi à guérir des gens. C'est aussi naturel. Ja, eklig, ja, non, ils vont faire voler. Das ist irdisch und nicht himmlisch. Et tout là, c'est terrestre, c'est pas céleste. Are you getting it? Amen. They are earthly and not even heavenly. Sind irdisch und nicht himmlisch. C'est de la terre, c'est pas, c'est même pas céleste. Reste. It is not about the natural raising up from the dead. Es geht nicht um die natürliche Auferstehung aus den Toten. Et puis il s'agit pas aussi que de la résurrection naturelle. If you go to John 11, Lazarus was raised from the dead. Johannes 11 sehen wir, dass Johannes dass Lazarus von den Toten auferweckt wurde. Und wir sehen dans Jean 11 que Lazare a été ressuscité de la mort. We just read Matthew 14. You know, John was beheaded and Jesus heard about it. Johannes der Täufer wurde who's supposed to be closer? Enthauptet und to Christ. Wer sollte John steht, or Lazarus? Jesus näher, Johannes sein ne, also sein Cousin sozusagen oder Lazarus sein Freund? Et Jésus-Christ, par exemple, quand il a écouté que Jean-Baptiste a été tué, il n'a pas aussi réagi directement. Or, il était la personne qui était très proche à Jean-Baptiste. It is true and real that Jesus raised Lazarus from the dead. It's not fake. Das ist wirklich passiert. Really happened. Das war kein Gleichnis. Lazarus wurde wirklich von den Toten auferweckt durch Jesus Christus. Et l'histoire que Jésus-Christ a ressusciter Lazare de la mort, c'est une chose réelle, c'est pas une histoire ou bien un roman. He was preparing us for this period of time. Jesus the true salvation that is coming. Für diese Zeit vorbereitet für die wahrhaftige Errettung. Et puis Jésus-Christ nous a préparé pour le vrai salut qui est maintenant, pour la période du vrai salut. You know, your handkerchief, the handkerchief can raise them from the dead or can make the lame walk, but they go to hell and not make it heaven. Ihr Schweißtuch konnte vielleicht Leute auferwecken lassen, soll Leute heilen, aber dennoch sind die Leute, für die man geheilt hat, meinst du? Die Leute, die man geheilt hat? Yeah, they are those that were healed. Okay. No, you know, that you are healed does not mean you will make heaven. Genau. Und die Leute, für die sie geheilt haben und die sie von den Toten auferweckt haben. I mean in Act of Apostles, for example, that of Peter and others, disciples. Their shadow raised the dead. Mm-hmm. But that does not, that you know, those, all those, you know, if you look at them, it was not, that is not the true salvation. The true salvation is that we are saved. We were once dead, but we are now alive. Genau. Die Menschen, die geheilt worden sind damals, die von den Toten auferweckt worden sind, wieder sehen konnten, wieder hören konnten, wieder gehen konnten, dieses Wunder, was ihnen widerfahren ist, hat ihnen nicht Errettung gegeben, die geistliche Errettung. Die geistliche Errettung finden wir nur im Namen von Jesus Christus. Dans l'acte des apôtres, on voit que les apôtres ont guéri beaucoup de gens, mais la guérison là, ce n'est pas le vrai salut. Le vrai salut est que tu étais mort et que tu es maintenant en vie parce que tu crois en Jésus-Christ et que c'est ça la vraie guérison spirituelle. Please know this period that we are. Kennen diese Zeit. Et tu dois connaître la période où nous sommes maintenant. Amen. Amen. You know, Lazarus raised from the dead was only a shadow of things to come. Dass Lazarus von den Toten auferweckt wurde, war nur ein Schatten von den Dingen, die kommen werden. Et puis que Lazare est ressuscité de la mort, c'est seulement un exemple de l'avenir. If you go to Colossians 2, it talks about a shadow of things to come. That's Colossians 2 from 16 to the end. Amen. Colossians 2, 16 bis zum Ende, da geht es auch um diesen Schatten von Dingen, die kommen werden. Colossians 2, verset 16, à la fin, ça montre comment le passé a été un exemple pour l'avenir. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. And also, if you go to Colossians 2, 12 and 13, said, we were once dead, but now alive. And now, please, let's go to Ephesians 2. Auch in Kolosser steht, dass wir einst tot waren und jetzt lebendig. Let us go to Ephesians 2, from verse 1, also the same thing. Epheser 2, Vers 1, da geht es auch um das Gleiche. Éphésiens 2, verset 1 nous dit aussi la même chose, que nous étions morts et que nous sommes maintenant en vie. Praise the Lord. Hallelujah. Look at Ephesians 2 from verse 1. Ephesians 2:1. And your heart he quickened, who were dead in trespasses and sins, wherein in time past you walk according to the course of this world, according to the prince of the power of the air. Amen. Verset 1, autrefois vous étiez morts à cause de vos fautes, à cause de vos péchés. Vous viviez dans les péchés en suivant les forces de ce monde. According to the power of the air, the spirit that now walketh in the children of disobedience. Verse 3, among whom also we all had our conversation in time past, in the lust of our flesh, fulfilling the desires of the flesh and of the mind, and we are by nature the children of wrath, even as others. But God, who is rich in mercy, for his great love, wherewith he loved us. Verse 5. Even when we were dead in sins, had quickened us together with Christ. By grace you are saved, and had raised us up together, and made us sit together in heavenly places in Christ Jesus, that in the ages to come he might show the exceeding riches of his grace in his kindness towards us through Christ Jesus. Praise the Lord. Amen. Please, we finish here. You can read it on your own. Amen. Ephésiens 2, verset 1 jusqu'à la fin, c'est le devoir pour aujourd'hui. Praise the Lord. Amen. Amen. Yeah. So also in Ezekiel is dead. Auch in Ezekiel steht das. We are once dead, yet we are now alive. Wir waren einst tot, aber jetzt sind wir lebendig. Amen. Wir sind mort, maintenant nous sommes en vie. Amen. Amen. Remember Ezekiel 37, verse 4. Dry bones shall rise again. Yeah. Talking about our salvation. Oder auch in Ezekiel, wo es darum geht, um die vertrockneten Knochen, die wieder auferweckt werden. Amen. Ça parle aussi, Ezekiel parle aussi des morts qui vont être ressuscités. So also is in Luke 15, verse 24. Lukas Remember. 15, 24. Let's go to this very one. Luke 15. Lukas 15. Look at what somebody said. Luke 15. Luke 15, verse 24. Lukas 15, 24. Verset 24. Amen. Amen. The prodigal son. Der verlorene Sohn. Le fils perdu. He said, for this my son was dead and is alive again. He was lost and is found. And they began to be merry. Praise the Lord. Hallelujah. We were once dead, but now alive. Aber jetzt sind wir lebendig. Amen. Verset 24. Oui, mon fils qui est là était mort. Et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Il commence à faire la fête. Amen. Amen. You know the story of the prodigal son. You know people, we don't even see it as salvation. Die Geschichte vom verlorenen Sohn sehen viele gar nicht als Rettung an. Beaucoup de gens ne comprennent pas que l'histoire de fils perdu est connectée avec le salut. Through Adam, we were once dead. Durch Adam waren wir einst tot. À travers Adam, on était just like the prodigal son. So wie der verlorene Sohn. Comme le fils perdu. But through Christ, we are now back again. Aber durch Christus sind wir jetzt wieder lebendig geworden. Avec Jésus-Christ, nous sommes maintenant en vie. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Through Christ, we are alive durch again. Christus sind wir wieder lebendig. Our life is back. Unser Leben ist zurück. Et à travers du Christ, nous sommes revenus à la vie. Notre vie est a été retrouvé. In Matthew 8, from 19 to 22, he called them the dead. Matthäus 8 nannte die Menschen die Toten, die Jesus nicht haben. Et puis dans Matthieu 8, Jésus-Christ appelle les gens qui ne croient pas Jésus-Christ mort. He said, let the dead bury their dead. Die Toten sollen ihre Toten begraben. Et puis il dit, laisse les morts creuser leur mort. Praise the Lord. Alleluia. Because you are no longer dead. Weil wir nicht mehr tot sind. Parce que vous êtes. And that's why the ministry is called a living ministry and not a dead ministry. Deswegen wird die Gemeinde lebendig genannt. Salah. ist lebendig. Amen. Et c'est ça pourquoi l'église est appelée une église vivante. Once you come to Christ, there is life. Ist Leben da. Quand tu viens vers Jésus-Christ, il y a la vie. You know, John 11 called Jesus said, "I am the resurrection and the life." Jesus, ich bin die Auferstehung und das Leben. Jésus-Christ dit aussi que moi je suis la résurrection et puis la vie. I don't just raise people from the dead, but I am. You never come to me and not have life. Er sagt, ich bin nicht, ich wecke Leute nicht nur von den Toten, sondern ich bin die Auferstehung selbst. Wenn ihr zu mir kommt, erfährt die Auferstehung. Amen. Et puis Jésus-Christ nous dit qu'il ne réveille pas seulement les gens de la mort, mais lui-même il est la résurrection. Amen. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. And so also the blind. Amen. It was not about the natural blindness. Es ging nicht um die natürliche Blindheit. Et même quand Jésus-Christ parlait des aveugles, il ne parlait pas des aveugles naturels. We were once blind, and now we can see. Wir waren einst blind, aber jetzt können wir sehen. Nous tous nous étions aveugles, mais maintenant on peut voir. Praise the Lord. Alleluia. Through Christ we have our sight. He is our sight. Er ist unsere Sicht. À travers du Christ, on a la vue, c'est lui-même qui est notre vue. We close with 1 Psalm 119 now. Psalm 119. So that we can continue from there, as the Lord directs us. Amen. Amen. On Sunday. Amen. Amen. Psalm 119. Psalm 119. Verse 105. Verset 105. It said, "The world is a lamp unto my feet, and a light unto my path." Amen. Christ's word, are not Moses' word. Das Wort von Christus, nicht das Wort von Mose. Verset 105. Ta parole est une lampe qui éclaire mes pas, une lumière sur ma route. Ici, ça parle de la parole de Dieu et de Jésus-Christ, pas la parole de Moïse. You got it. Christ's word, the word that your word is a lamp. The Christ's word is a lamp unto my feet. Das Wort von Christus eine Leuchte für meine Füße. Amen. La parole de Jésus est une lampe qui éclaire mes pas. Amen. Amen. It's not Moses' word. Moses' word will take you to darkness. Die Wort von Mose werden euch in die Finsternis bringen. Et il ne s'agit pas de la parole de Moïse, parce que les paroles de Moïse vont t'amener vers le ténèbre. It will blind you. Tu vas te blinder. Ça va t'aveugler. You will be so blind that you can see nothing. Tu vas être tellement aveugle que tu ne peux rien voir. It's only Christ's word that is light. That's why he said, "I am the light of this world." Ist Licht, denn ich bin das Licht der Welt, sagt Jesus. C'est ça pourquoi la parole de Jésus-Christ est la lumière. C'est ça aussi il dit que moi je suis la lumière du monde. And as you are the light of this world, if you know that I live in you. Und ihr seid das Licht der Welt, wenn ihr wisst, dass ich in euch lebe. You can keep on choosing. Ich liebe. Remain the light. Wenn ihr mich immer weiterhin wählt, werdet ihr das Licht bleiben. Et puis il nous dit aussi que vous êtes la lumière. De ce monde, si vous comprenez que je vis en vous et que vous restez en moi. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. So we close because the time has gone. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. So please, if you have any, okay, I'm very fast.